Emouchka Orzy, une tragédie de Noël. C'était une fête de Noël assez joyeuse, même si l'humeur acariâtre de notre hôte avait quelque peu gâché les festivités. Mais imaginez deux jeunes femmes aussi belles que ma chère Lady et Margaret Seeley, et une Cendrillon au réveillon de Noël dans la magnifique salle de bal de Clever Hall, et vous comprendrez que même le caractère acariâtre bien connu du Major Seeley n'avait pas pu totalement gâcher la joie d'une agréable réunion festive à l'ancienne. Il y a loin d'une fête de réveillon de Noël à des massacres de bétail, et pourtant, je suis obligé de les mentionner maintenant, car bien qu'il ait été finalement prouvé qu'ils n'avaient aucun rapport avec le meurtre du malheureux Major, ils ont sans aucun doute été le moyen par lequel le malfaiteur a pu accomplir l'acte horrible avec sûreté, rapidité et, comme cela s'avéra par la suite, avec une très grande chance d'immunité. Tout le monde dans le voisinage s'était intéressé de très près à ces ignobles actes contre des animaux innocents. Ils étaient l'œuvre soit de vauriens désespérés qui ne reculaient devant rien pour obtenir quelques shillings, soit de fous ayant des propensions bizarres pour les crimes sans but. À une ou deux reprises, des personnages suspects avaient été vus rôdant dans les champs, et plus d'une fois, on avait entendu au milieu de la nuit un chariot s'éloigner à toute allure. Chaque fois que cela se produisait, la découverte d'un nouveau crime était certaine, mais jusqu'à présent, les malfaiteurs avaient réussi à déconcerter non seulement la police, mais aussi les nombreux fermiers qui s'étaient constitués en une bande de gardiens volontaires, déterminés à traduire en justice les mutilateurs de bétail. Nous avions tous parlé de ces événements mystérieux pendant le dîner qui avait précédé le bal à Clever Hall. Mais plus tard, lorsque les jeunes gens s'étaient rassemblés et que les premiers airs de la valse « La veuve joyeuse » nous avaient mis en joie, ce sujet désagréable avait été complètement oublié. Les invités étaient partis tôt, le Major Seeley, comme d'habitude, ne faisant rien pour les retenir, et à minuit, tous ceux d'entre nous qui restaient dans la maison s'étaient couchés. Ma chère Lady et moi partageons une chambre et un dressing, nos fenêtres donnant sur la façade. Comme vous le savez, Clever Hall n'est pas très loin de York, de l'autre côté de Bishopthorpe, et c'est l'une des plus belles demeures anciennes des environs. Son seul inconvénient est que, bien que les jardins soient très vastes à l'arrière, l'avant de la maison se trouve très près de la route. C'était environ 2 heures après avoir éteint la lumière et dit bonne nuit à ma chère Lady que quelque chose me tira de mon premier sommeil. Je me sentis soudain très éveillé et me redressai dans mon lit. Le bruit d'un chariot roulant à une vitesse inhabituelle me parvint sans équivoque, bien qu'il provînt d'une distance considérable le long de la route. Manifestement, ma chère Lady était également réveillée. Elle sauta du lit et, écartant les rideaux, regarda par la fenêtre. La même idée nous était venue à l'esprit au moment même où nous nous réveillons. Toutes les conversations sur les mutilateurs de bétail et leurs chariots que nous avions entendues depuis notre arrivée à Clever nous revenaient à l'esprit en même temps. J'avais rejoint Lady Molly près de la fenêtre et je ne sais pas combien de minutes nous sommes restés là à observer, pas plus de 2 probablement, car aussitôt, le bruit du chariot s'estompa dans le lointain, le long d'une route secondaire. Soudain, nous fûmes surpris par un terrible cri « Au meurtre ! Au secours ! Au secours !» provenant de l'autre côté de la maison, suivi d'un silence affreux et mortel. Je me tenais près de la fenêtre, frissonnant de terreur, tandis que ma chère Lady, qui avait déjà allumé la lumière, se glissait à la hâte dans des vêtements. Le cri avait bien sûr réveillé toute la maisonnée, mais ma chère Lady fut la première à descendre et à atteindre la porte du jardin à l'arrière de la maison, d'où le cri bizarre et désespéré était sans doute parti. Cette porte était grande ouverte. 2 marches menaient à l'allée en terrasse qui borde la maison de ce côté, et le long de ces marches, le Major Seeley était étendu, face contre terre, les bras en croix, avec une terrible blessure entre les omoplates. un fusil se trouvait à proximité, le sien. Il était facile de conjecturer que, lui aussi, entendant le grondement des roues, s'était précipité, l'arme au poing, dans l'intention sans doute d'opérer, ou du moins d'aider, à la capture des malfaiteurs en fuite. Quelqu'un l'avait guetté, c'était évident, quelqu'un qui avait peut-être attendu cette occasion spéciale pendant des jours, ou même des semaines, pour prendre le malheureux au dépourvu. Il serait inutile de récapituler tous les petits incidents qui se sont produits depuis le moment où Lady Molly et le majordome ont soulevé le corps inanimé du major sur les marches de la terrasse, jusqu'à l'instant où Miss Seeley, avec un sang-froid et une présence d'esprit remarquable, avait donné tous les détails qu'elle pouvait sur le terrible événement à l'inspecteur de la police locale et au médecin, tous deux convoqués à la hâte. Ces petits incidents, avec de légères variations, se produisent chaque fois qu'un crime est commis. Seuls les faits généraux présentent un intérêt étrange et primordial. Le major Seeley était mort. Il avait été poignardé dans le dos avec une étonnante sûreté et une terrible violence. L'arme utilisée devait être une sorte de lourd couteau fermant. L'homme assassiné gisait maintenant dans sa propre chambre, à l'étage, tandis que les cloches de Noël, en ce matin froid et sec, faisaient résonner des échos joyeux dans l'air immobile. Nous avions bien sûr quitté la maison, ainsi que tous les autres invités. Chacun éprouvait la plus profonde sympathie pour cette belle jeune fille qui, il y a quelques heures encore, était pleine de joie de vivre et qui, à présent, était le pivot autour duquel tournait l'ombre étrange d'une tragédie, de curieux soupçons et d'un mystère qui ne cessait de grandir. Mais dans ces moments-là, tous les étrangers, les connaissances et même les amis dans une maison ne sont qu'un fardeau supplémentaire à une charge déjà écrasante de chagrin et d'ennui. Nous avons pris nos quartiers au Black Swan, à York. Le commissaire local, ayant appris que Lady Molly avait été invitée à Clever la nuit du meurtre, lui avait demandé de rester dans le coin. Il ne faisait aucun doute qu'elle pourrait facilement obtenir l'accord du chef pour aider la police locale à élucider ce crime extraordinaire. À cette époque, sa réputation et ses remarquables pouvoirs étaient au zénith, et il n'y avait pas un seul membre des forces de police du royaume qui n'aurait pas volontiers profité de son aide lorsqu'il était confronté à un mystère apparemment impénétrable. Personne ne peut nier que le meurtre du major Seeley avait tout pour devenir un tel cas. Dans les affaires de ce genre, lorsqu'aucun vol, de quelque nature que ce soit, n'a accompagné le crime le plus grave, il est du devoir de la police et du coroner d'essayer de découvrir, avant tout, quel mobile peut bien motiver une agression aussi lâche. Et parmi les mobiles, bien sûr, la haine mortelle, la vengeance et l'animosité occupent une place prépondérante. Mais ici, la police se trouvait immédiatement confrontée à la terrible difficulté, non pas de découvrir si le major Seeley avait un ennemi, mais plutôt lequel, parmi tous ceux qui lui devaient une rancune, le haïssait suffisamment pour risquer d'être pendu afin de le mettre hors d'état de nuire. En fait, le malheureux major était l'une de ces personnes qui semblent vivre dans un état d'inimitié perpétuelle avec tout et tout le monde. Matin, midi et soir, il rouspétait, et quand il ne rouspétait pas, il se querellait soit avec sa propre fille, soit avec les gens de sa maison, soit avec ses voisins. J'avais souvent entendu parler de lui et de ses manières excentriques et désagréables par Lady Molly, qui le connaissait depuis de nombreuses années. Comme tous ceux qui, dans le comté, auraient évité le vieil homme, elle a conservé un semblant d'amitié avec lui pour le bien de sa fille. Margaret Seeley était une jeune femme singulièrement belle, et comme le major était réputé très riche, ces deux faits se conjuguaient peut-être pour empêcher l'irascible gentleman de vivre dans un isolement aussi complet qu'il aurait souhaité. Les mamans des jeunes gens à marier rivalisaient d'imagination pour accueillir Mademoiselle Seeley lors des garden parties, des soirées dansantes et des kermesses. En effet, Margaret avait été entourée d'admirateurs depuis qu'elle était sortie de l'école. Inutile de dire que la cariâtre major accueillait ses prétendants à la main de sa fille, non seulement avec un dédain insolent, mais parfois même avec une opposition violente. Malgré cela, les papillons de nuit voltigeaient autour de la bougie, et parmi cette tribu aventureuse, aucun ne se distinguait plus que M. Lawrence Smethick, fils du député de la circonscription de Packthorpe. Certains jurèrent que les jeunes gens étaient secrètement fiancés, en dépit du fait que Margaret était un flirt scandaleux et qu'elle encourageait ouvertement plus d'un de ses adorateurs. Quoi qu'il en soit, une chose était absolument certaine, à savoir que le major Seeley n'approuvait pas plus M. Smethick que les autres, et qu'il y avait eu plus d'une querelle entre le jeune homme et son futur beau-père. Lors de cette mémorable veillée de Noël à Cliver, aucun d'entre nous n'avait pu manquer de remarquer son absence. Tandis que Margaret, d'autre part, avait montré une prédilection marquée pour la société du capitaine Glynne, qui, depuis la mort soudaine de son cousin, le vicomte Heslington, le fils unique de Lord Ullerthorpe, qui a été tué sur le terrain de chasse en octobre dernier, si vous vous en souvenez, était devenu l'héritier du comté et de ses 40 000 livres sterling par an. Personnellement, je désapprouvais fortement le comportement de Margaret le soir du bal. Son attitude à l'égard de M. Smethick, dont la présence constante auprès d'elle avait justifié la rumeur selon laquelle ils étaient fiancés, était plus qu'insensible. Le matin du 24 décembre, la veille de Noël, en fait, le jeune homme était venu à Clever. Je me rappelle l'avoir vu au moment où on le faisait entrer dans le boudoir d'en bas. Quelques instants plus tard, des voix furieuses s'élevèrent de cette pièce avec une netteté épouvantable. Nous avons tous essayé de ne pas écouter, mais nous n'avons pas manqué d'entendre les paroles impérieuses du major Seeley à l'égard du visiteur, qui, semblait-il, avait simplement demandé à voir Mademoiselle Seeley et s'était trouvé confronté de façon tout à fait inattendue à l'irascible et extrêmement désagréable major. Bien entendu, le jeune homme avait rapidement perdu son sang-froid et l'incident s'était terminé par une querelle très violente entre les deux hommes dans le hall et par l'interdiction péremptoire faite par le major à M. Smethick de repasser devant sa porte. Cette nuit-là, le major Seeley avait été assassiné. Chapitre 2. Bien sûr, au début, personne n'avait attaché d'importance à cette étrange coïncidence. L'idée même d'associer un meurtre à la personnalité d'un jeune homme brillant et séduisant tel que M. Smethick semblait en effet absurde et d'un commun accord, tous ceux d'entre nous qui étaient pratiquement témoins de la querelle entre les deux hommes acceptèrent tacitement de ne rien dire du tout à ce sujet lors de l'enquête, à moins d'être absolument obligés de le faire sous la foi du serment. Compte tenu du tempérament terrible du major, cette querelle ne revêtait pas l'importance qu'elle aurait eue autrement, et nous nous flattâmes tous d'avoir bien réussi à parer les questions du coroner. Le verdict de l'enquête fut rendu contre une personne ou des personnes inconnues. Et pour ma part, j'étais très heureuse que le nom du jeune Smethick n'ait pas été mentionné dans le cadre de ce crime terrible. Deux jours plus tard, le superintendant de Bishopthorpe envoya un message téléphonique urgent à Lady Molly, la priant de se rendre immédiatement au poste de police. Nous avions l'usage d'un véhicule à moteur pendant tout le temps que nous étions au Black Swan et, en moins de 10 minutes, nous avons roulé à toute vitesse vers Bishopthorpe. À notre arrivée, on nous fit immédiatement entrer dans le salon privé du superintendant Hetty, situé derrière le bureau. Il s'y entretenait avec Danvers, qui venait de descendre de Londres. Dans un coin de la pièce, assise très droite sur une chaise à haut dossier, se trouvait une jeune femme de la classe des domestiques qui, lorsque nous entrâmes, jeta sur nous deux un regard rapide et, à mon avis, suspect. Elle était vêtue d'un manteau et d'une jupe d'un noir miteux, et bien que son visage eût pu être qualifié de beau, car elle avait des yeux fins et sombres, Son apparence entière était nettement repoussante. Il y avait des trous dans ses chaussures et dans ses bas, la manche de son manteau était à moitié décousue, et le volant de sa jupe pendait en boucle tout autour du bas. Elle avait des mains très rouges et rugueuses, et ses yeux avaient sans aucun doute une expression furtive qui, lorsqu'elle commença à parler, se transforma en une expression de défi. Hetty s'avança avec beaucoup d'empressement lorsque ma chère Lady entra. Il avait l'air perturbé, mais il parut très soulagé en la voyant. « C'est la femme d'un des paysans de Clever, » expliqua-t-il rapidement à Lady Molly, en faisant un signe de tête en direction de la jeune femme, « et elle est venue ici avec une histoire si étrange que j'ai pensé que vous aimeriez l'entendre. » « Elle sait quelque chose à propos du meurtre ?» demanda Lady Molly. « Non, je n'ai pas dit cela !» s'interposa brutalement la femme. « Ne vous avisez pas de mentir, monsieur l'inspecteur. J'ai pensé que vous souhaiteriez peut-être savoir ce que mon mari avait vu la nuit où le major a été assassiné, c'est tout. Et je suis venue vous le dire. »« Pourquoi votre mari n'est-il pas venu lui-même ?» demanda Lady Molly. « Oh, Hagen n'est pas assez bien portant. Il... » commença-t-elle à expliquer avec un haussement d'épaule insouciant, pour ainsi dire. Le fait est, madame, intervint Hetty, que le mari de cette femme est à moitié idiot. Je crois qu'on le garde au potager uniquement parce qu'il est très fort et qu'il peut aider à creuser. C'est parce que son témoignage est si peu fiable que j'ai voulu vous consulter sur la façon dont nous devrions agir dans cette affaire. Quel est donc son témoignage ? Répétez à cette dame ce que vous venez de nous raconter, madame Haggett, voulez-vous ? Dit Hetty sèchement. De nouveau, le regard rapide et soupçonneux de la femme se posa sur elle. Lady Molly prit la chaise que Danvers lui avait apportée et s'assit en face de madame Haggett, fixant sur elle son regard sérieux et calme. « Il n'y a pas grand-chose à dire !» répondit la femme d'un air maussade. « Il est certain que Haggett a parfois la tête en l'air et que, lorsqu'il a la tête en l'air, il se promène dans les lieux de nuit. »« Vraiment ?» dit ma lady, car madame Haggett s'était arrêtée un moment et ne semblait plus disposée à continuer. « Eh bien, » reprit-elle avec une détermination soudaine, « il a eu une de ces crises bizarres la veille de Noël et n'est rentré que bien après minuit. Il m'a raconté qu'il avait vu un jeune homme rôder dans le jardin du côté de la terrasse. Il a entendu hurler des meurtres et des « au secours » peu après, et il s'est précipité à la maison parce qu'il était effrayé. « La maison ?» demanda Lady Molly calmement. « Quelle maison ?»« Le cottage où nous vivons, juste derrière le potager. »« Pourquoi n'avez-vous pas dit tout cela à l'intendant plus tôt ?»« Parce que Hagen ne me l'a dit qu'hier soir, quand il semblait moins bizarre. Il est très silencieux quand il a des crises. » Savait-il qui était le monsieur qu'il avait vu ? Non, madame, je ne pensais pas qu'il le sache, d'ailleurs il ne l'a pas dit, mais... Oui, mais... Il a trouvé ceci dans le jardin hier, dit la femme, en tendant une feuille de papier qu'elle tenait apparemment bien serrée jusqu'à présent, et c'est peut-être ce qui lui a rappelé le réveillon de Noël et le meurtre. Lady Molly prit l'objet et défroissa le morceau de papier souillé avec ses doigts délicats. L'instant d'après, elle présenta à Hetty une magnifique bague composée d'une pierre de lune délicieusement sculptée et entourée de diamants d'une brillance inhabituelle. Pour l'instant, la monture et les pierres elles-mêmes étaient ternies par la boue gluante qui s'y accrochait. La bague avait manifestement reposé sur le sol et avait peut-être été piétinée pendant quelques jours, puis n'avait été que très partiellement nettoyée. En tout cas, vous pouvez découvrir à qui appartient la bague, commenta ma chère Lady au bout d'un moment, en réponse à l'attitude silencieuse d'attente d'Hetty. Cela pourra toujours être utile. Puis elle se tourna à nouveau vers la femme. « Je vais vous accompagner jusqu'à votre cottage, si vous le permettez, » dit-elle résolument, et discuter avec votre mari. Est-il à la maison ?» Je pense que Madame Haggett accueillit cette suggestion avec beaucoup de réticence. Je me doutais bien, d'après son apparence personnelle, que sa maison n'était pas du tout en état de recevoir la visite d'une dame. Cependant, elle ne pouvait qu'obéir et, après quelques mots d'acquiescement marmonnés à contre-cœur, elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la porte, laissant ma lady la suivre comme elle l'entendait. Avant de partir, cependant, elle se retourna et jeta un regard furieux à Hetty. « Vous me rendrez la bague, monsieur l'inspecteur !» dit-elle sur son ton habituel de défi maussade. « Trouver, c'est garder, vous savez !»« J'ai bien peur que non !» répondit Hetty sèchement. « Mais il y a toujours la récompense offerte par Mademoiselle Cellé pour des informations qui permettraient d'appréhender le meurtrier de son père. » Vous pouvez l'obtenir, vous savez, elle est de 100 livres. Oui, je le sais, remarqua-t-elle sèchement. Puis, sans autre commentaire, elle sortit de la pièce. Chapitre 3. Ma chère Lady revint très déçue de son entrevue avec Haggett. Il semble qu'il était en effet à moitié idiot. Presque débile, en fait, avec seulement quelques moments de lucidité, dont ceux de ce jour. Mais, bien sûr, son témoignage n'avait pratiquement aucune valeur. Il répéta l'histoire déjà racontée par sa femme, sans y ajouter aucun détail. Il avait vu un jeune homme errer sur la terrasse la nuit du meurtre. Il ne savait pas qui était ce jeune homme. Il rentrait chez lui lorsqu'il avait entendu crier « meurtre », et avait couru vers sa maison parce qu'il était effrayé. Il avait ramassé la bague hier dans la bordure de plantes vivaces sous la terrasse et l'avait donnée à sa femme. Deux de ces brèves déclarations faites par l'imbécile furent facilement démontrées et ma chère Lady s'en était assurée avant de revenir me voir. L'un des assistants jardiniers de Clever déclara qu'il avait vu Haggett rentrer en courant aux petites heures de ce fatal matin de Noël. Lui-même avait été à l'affût des voleurs de bétail cette nuit-là et il se souvenait très bien de cette petite circonstance. Il ajouta que Haggett semblait vraiment paniqué. Puis Nubai, un autre paysan, avait vu Haggett ramasser la bague dans la bordure de vivace et lui avait conseillé de la porter à la police. D'une manière ou d'une autre, tous ceux d'entre nous qui étaient si intéressés par cette terrible tragédie de Noël se sentaient étrangement perturbés par tout cela. Aucun nom n'avait encore été mentionné, mais chaque fois que ma chère Lady et moi nous regardions l'une l'autre, ou chaque fois que nous parlions à Hetty ou à Danvers, nous sentions toutes qu'un certain nom, une personnalité particulière, se cachait au fond de nos esprits. Les deux hommes, bien sûr, n'avaient pas de scrupules sentimentaux qui les préoccupaient. Prenant l'histoire de Haggett comme un simple indice, ils y travaillèrent avec diligence, si bien que 24 heures plus tard, Hetty apparut dans notre salon privé du Black Swan et nous informa calmement qu'il venait d'obtenir un mandat d'arrêt contre M. Lawrence Messick pour meurtre et qu'il était en route à l'instant même pour procéder à l'arrestation. « Monsieur Smestig n'a pas tué le major Cillet !» fut le seul et ferme commentaire de Lady Molly lorsqu'elle apprit la nouvelle. « Eh bien, madame, c'est possible !» répliqua Hetty, parlant avec cette déférence avec laquelle toute l'équipe s'adressait invariablement à ma chère Lady. « Mais nous avons recueilli suffisamment de preuves, en tout cas, pour justifier l'arrestation et, à mon avis, « suffisamment pour pendre n'importe quel homme. » M. Smithick a acheté la pierre de lune et la bague en diamant chez Nicholson dans Coney Street il y a environ une semaine. Plusieurs personnes l'ont vu la veille de Noël rôdant autour des grilles de Clever Hall, à peu près à l'heure où les invités quittaient la salle après la danse et quelques instants après que le premier cri de meurtre ait été entendu. Son propre valet admet que son maître n'est rentré chez lui cette nuit-là que bien après 2 heures du matin, tandis que même Mlle Seeley ne niera pas qu'il y a eu une terrible querelle entre M. Smethwick et le major Seeley moins de 24 heures avant que ce dernier ne soit assassiné. Lady Molly ne fit aucune remarque à propos de cet ensemble de faits qu'Etty étalait ainsi impitoyablement devant nous, mais je ne pus m'empêcher de m'exclamer « Monsieur Smethwick est innocent, j'en suis sûr !»« J'espère pour lui qu'il l'est, » répliqua gravement Etty, « mais d'une certaine manière, il est dommage qu'il ne semble pas capable de rendre compte de lui-même entre minuit et 2 heures, ce matin de Noël. » « Oh ! M'écriai-je, que dit-il à ce sujet ?»« Rien, » répondit sèchement l'homme, « c'est justement le problème. » Comme vous vous en souvenez sans doute, M. Lawrence Smethwick, fils du colonel Smethwick, député de Peckthorpe Hall, York, fut arrêté sous l'accusation d'assassinat à l'encontre du major Seeley dans la nuit du 24 au 25 décembre, et, après l'enquête magistrale habituelle, il fut dûment incarcéré pour être jugé lors des prochaines assises de York. Je me souviens bien que, tout au long de sa parution préliminaire, le jeune Smethwick se comporta comme quelqu'un qui avait perdu tout espoir de refuter les terribles accusations portées contre lui, et, je dois le dire, le nombre formidable de témoins que la police fit comparaître contre lui expliqua parfaitement cette attitude. Bien sûr, Heggett n'avait pas été appelé, mais il se trouve que de nombreuses personnes avaient juré que M. Lawrence Smethwick avait été vu rôdant autour des portes de Clever Hall après le départ des invités la veille de Noël. Le jardinier en chef, qui vit au pavillon, lui avait même parlé, et on avait entendu le capitaine Glynne, se penchant hors de son carrosse, s'exclamer « Bonjour, Smethwick, que faites-vous ici à cette heure de la nuit ?» Et il y en avait eu d'autres. Le capitaine Glynne, et c'est tout à son honneur, fit de son mieux pour nier avoir reconnu son malheureux ami dans l'obscurité. Pressé par le magistrat, il s'obstina « J'ai pensé à ce moment-là que c'était M. Smethwick qui se tenait près des portes de la loge, mais en y réfléchissant bien, je suis sûr de m'être trompé. » D'autre part, ce qui s'opposait au jeune Smethwick, c'était d'abord la question de la bague, puis le fait qu'il avait été vu dans les environs immédiats de Clever, à minuit et de nouveau vers 2 heures, lorsque des hommes qui avaient surveillé les éleveurs de bétail l'avaient vu s'éloigner rapidement dans la direction de Peckthorpe. Ce qui était, bien sûr, inexplicable et terrible à constater, c'était le silence obstiné de M. Smethwick quant à ses propres mouvements pendant les heures fatales de cette nuit-là. Il ne contredit pas ceux qui disaient l'avoir vu vers minuit près des portes de Clever, ni les déclarations de son propre valet quant à l'heure à laquelle il était rentré chez lui. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait fait entre le moment où les invités avaient quitté Clever Hall et celui où il était retourné lui-même à Peckthorpe. Il se rendait compte du danger qu'il courait et il n'était pas facile de deviner ce qui le poussait à garder le silence sur une question qui pouvait signifier pour lui la vie ou la mort. Il ne pouvait pas contester la propriété de la bague et ne le faisait pas. Il l'avait perdue sur le terrain de Clever, disait-il. Mais le bijoutier de Coney Street avait juré qu'il avait vendu la bague à M. Smethwick le 8 décembre, alors qu'il était notoire et admis que le jeune homme n'avait pas franchi ouvertement les portes de Clever depuis plus de 15 jours. C'est sur la base de ces preuves que Lawrence Smethwick fut traduit en justice. Bien que l'arme avec laquelle le malheureux major avait été poignardé n'ait pas été retrouvée et que son propriétaire n'ait pas été identifié, les preuves indirectes contre le jeune homme étaient si nombreuses que la libération sous caution fut refusée. Il avait, sur les conseils de son avocat, M. Grayson, l'un des plus brillants juristes de York, réservé sa défense et, en ce misérable après-midi de fin d'année, nous sommes tous sortis du tribunal bondé, terriblement déprimés et angoissés. Chapitre 4. Ma chère Lady et moi sommes rentrés à l'hôtel en silence. Nos cœurs semblaient peser lourd. nous étions mortellement désolés pour ce beau jeune homme du Yorkshire qui, nous en étions convaincus, était innocent, mais qui, en même temps, semblait impliqué dans un enchevêtrement de circonstances mortelles dont il ne semblait pas pouvoir se dépêtrer. Nous n'avions pas envie de discuter de cette affaire en pleine rue et nous n'avons fait aucun commentaire lorsque nous avons vu Margaret Seeley dans Coney Street, au renne de son élégant buggy, tandis que le capitaine Glynne était assis à côté d'elle et lui parlait avec beaucoup de sérieux près de l'oreille. Elle était en grand deuil et avait manifestement fait des courses car elle était entourée de paquets. Il serait donc peut-être exagéré de la blâmer. Pourtant, il me sembla qu'au moment où la vie et l'honneur d'un homme, auquel son nom avait souvent été associé par la rumeur populaire, étaient en jeu, c'était faire preuve d'un certain mépris pour lui que de l'avoir se promener avec un autre homme qui, depuis qu'il avait soudainement accédé à la fortune, était sans aucun doute devenu un rival auprès d'elle. Lorsque nous arrivâmes au Black Swan, nous fûmes surprises d'entendre que M. Grayson était venu pour voir ma chère Lady et qu'il attendait à l'étage. Lady Molly courut jusqu'à notre salon et l'accueillit avec une grande cordialité. M. Grayson est un vieil homme à l'aspect sec, mais il semblait visiblement affecté et il lui fallut un certain temps avant de pouvoir aborder le sujet qui l'avait amené ici. Il s'agita sur sa chaise et commença à parler du temps qu'il faisait. « Je ne suis pas ici à titre strictement professionnel, vous savez, » dit Lady Molly avec un sourire bienveillant et dans le but de l'aider à sortir de son embarras. « Notre police, je le crains, a une vision exagérée de mes capacités et les agents ici m'ont demandé officieusement de rester dans le voisinage et de leur donner mes conseils s'ils en avaient besoin. » Notre chef est très indulgent à mon égard et m'a permis de rester. Par conséquent, si je peux faire quoi que ce soit... en effet, vous pouvez, s'exclama M. Grayson avec une énergie soudaine. D'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas d'autre âme dans le royaume que vous qui puissiez sauver cet innocent de la potence. Ma chère Lady poussa un petit soupir de satisfaction. Elle avait toujours voulu prendre une place plus importante dans ce bourbier du Yorkshire. « Monsieur Smethick, » dit-elle. « Oui, mon malheureux jeune client, » répondit l'avocat. « Je pourrais aussi bien vous raconter, » reprit-il après une légère pause, pendant laquelle il sembla se ressaisir, « aussi brièvement que possible, ce qui s'est passé le 24 décembre dernier et le matin de Noël suivant. » Vous comprendrez alors la terrible situation dans laquelle se trouve mon client et l'impossibilité pour lui d'expliquer ses actes au cours de cette nuit mémorable. Vous comprendrez aussi pourquoi je viens vous demander votre aide et vos conseils. M. Smethick se considérait comme fiancé à Mlle Seeley. Les fiançailles n'avaient pas été rendues publiques en raison de l'opposition anticipée du major Seeley, mais les jeunes gens avaient été très intimes et de nombreuses lettres avaient été échangées entre eux. Le 24 au matin, M. Smethick s'est rendu à Clever Hall, son intention étant alors simplement de présenter à sa fiancée la bague que vous connaissez. Vous vous souvenez du malheureux contretemps qui s'est produit ? Je veux parler de la querelle entre mon pauvre client et le major Seeley, et qui s'est terminé par l'interdiction faite à M. Smethick par l'irascible vieillard d'entrer dans la maison. Mon client est sorti de Clever en étant, comme vous pouvez l'imaginer, très en colère. Sur le pas de la porte, juste au moment où il partait, il a rencontré Mlle Margaret et lui a raconté très brièvement ce qui s'était passé. Elle prit d'abord la chose très à la légère, mais devint finalement plus sérieuse et termina le bref entretien en lui demandant, puisqu'il ne pouvait pas venir au bal à la suite de ce qui s'était passé, de venir la voir après et de la retrouver dans les jardins vers minuit. Elle ne voulut pas lui prendre la bague à ce moment-là, mais évoqua avec tendresse ce matin de Noël, lui demandant de lui apporter la bague le soir, ainsi que les lettres qu'elle lui avait écrites. Eh bien, vous pouvez deviner le reste. » Lady Molly hocha la tête d'un air pensif. « Il est vrai que Mlle Seeley jouait un double jeu, continua M. Grayson avec sérieux. Elle était déterminée à rompre toute relation avec M. Smethwick, car elle avait transféré son affection volatile sur le capitaine Glynne, qui était récemment devenu l'héritier d'un comté et de 40 000 livres par an. Sous le couvert d'un baratin sentimental, elle obtint de mon malheureux client qui la rejoigne, la nuit, dans les jardins de Clever, et qui lui remette les lettres qui auraient pu la compromettre aux yeux de son nouvel amant. À 2 heures du matin, le major Seeley a été assassiné par l'un de ses nombreux ennemis, je n'en sais rien, pas plus que M. Smethwick. Il venait de se séparer de Mlle Seeley au moment même où le premier cri a tiré Clever de son sommeil. Elle pourrait le confirmer si elle le voulait, car les deux étaient encore en vue l'un de l'autre, elle à l'intérieur des grilles, lui un peu plus loin sur la route. M. Smethwick vit Margaret Seeley courir rapidement vers la maison. Il attendit un peu, hésitant sur ce qu'il devait faire. Puis il réfléchit que sa présence pouvait être gênante ou même compromettante pour celle que, malgré tout, il aimait toujours tendrement. Et sachant qu'il y avait beaucoup d'hommes dans et autour de la maison pour apporter l'aide nécessaire, il tourna finalement les talons et rentra chez lui le cœur brisé, puisqu'elle l'avait laissé partir, avait emporté ses lettres et jeté avec mépris dans la boue la bague qu'il avait achetée pour elle. L'avocat s'arrêta, s'épongea le front et regarda avec sérieux le beau visage pensif de Milady. Monsieur Smethwick a-t-il parlé à Mlle Seeley depuis lors ? Demanda Lady Molly au bout d'un moment. Non, mais je l'ai fait, répondit l'avocat. Quelle a été son attitude ? Un mépris amer et insensible. Elle nie l'histoire de mon malheureux client du début à la fin. Elle déclare qu'elle ne l'a jamais vu après l'avoir salué sur le pas de la porte de Clever Hall, lorsqu'elle a entendu parler de sa malheureuse querelle avec son père. Plus encore, elle qualifie avec mépris toute cette histoire de lâche tentative de dissimuler un crime ignoble derrière une diffamation encore plus ignoble d'une jeune fille sans défense. Nous étions tous silencieux, enfouis dans des pensées qu'aucun d'entre nous n'aurait voulu traduire en mots. Personne ne pouvait nier que la situation semblait effectivement sans issue. La tour de preuves accablante contre le malheureux jeune homme avait, en effet, été construite par des circonstances sans pitié et sans faiblir. Margaret Seeley, seule, aurait pu le sauver, mais avec une indifférence brutale, elle avait préféré le sacrifice de la vie et de l'honneur d'un innocent à celui de ses propres chances de faire un brillant mariage. Il y a de telles femmes dans le monde, Dieu merci, je n'en ai jamais rencontré d'autres que celle-là. Mais ai-je tort de dire qu'elle seule pouvait sauver le malheureux jeune homme qui se comportait avec une galanterie consommée, refusant de donner sa propre explication des événements qui s'étaient produits ce matin de Noël, à moins qu'elle ne choisisse de raconter l'histoire en premier. Il y avait une personne présente dans la petite pièce miteuse du Black Swan qui pouvait démêler cet étrange écheveau de coïncidence, si tant est qu'un être humain non doué de pouvoirs miraculeux puisse le faire à la dernière minute. Elle dit alors doucement « Que voulez-vous que je fasse dans cette affaire, Monsieur Grayson ? Et pourquoi êtes-vous venu me voir plutôt que de vous adresser à la police ?» Comment puis-je aller raconter cette histoire à la police ? S'écria-t-il, visiblement désespéré. N'y verrait-elle pas, elle aussi, une ignoble diffamation de la réputation d'une femme ? Nous n'avons pas de preuves, rappelez-vous, et Mlle Seeley nie tout du début à la fin. Non, non, s'exclama-t-il avec une ferveur extraordinaire. Je suis venu vous voir parce que j'ai entendu parler de vos dons merveilleux, de votre intuition extraordinaire. Quelqu'un a assassiné le major Seeley. Ce n'est pas le fils de mon vieil ami, le colonel Messick. Trouvez qui c'est. Je vous en supplie, trouvez qui c'est. Il se laissa tomber dans son fauteuil, accablé de chagrin. Avec une douceur indicible, Lady Molly s'approcha de lui et posa sa belle main blanche sur son épaule. « Je ferai de mon mieux, monsieur Gresson, » dit-elle simplement. Chapitre 5. Nous sommes restés seuls et singulièrement calmes pendant toute cette soirée. Je devinais que le cerveau actif de ma chère Lady était en plein travail à l'éclat de ses yeux et à cette sorte d'immobilité absolue dans sa personne par laquelle on pouvait presque sentir vibrer les nerfs délicats. L'histoire que lui avait racontée l'avocat l'avait singulièrement émue. Certes, elle avait toujours été moralement convaincue de l'innocence du jeune Smethick, mais en elle, la femme professionnelle a toujours mené de rudes batailles contre le sentimental et, dans ce cas, les preuves circonstancielles accablantes et la conviction de ses supérieurs l'avaient forcée à accepter la culpabilité du jeune homme comme quelque chose qui dépassait ses compétences. Par son silence, le jeune homme avait tacitement avoué. Et si un homme est aperçu sur les lieux mêmes d'un crime, à la fois avant qu'il ne soit commis et directement après, si un objet lui appartenant est trouvé à moins de 3 mètres de l'endroit où le meurtrier a dû se tenir, si, en outre, il a eu une violente querelle avec la victime et ne peut rendre compte de ses actions ou de ses allées et venues pendant l'heure fatale, il est vain de s'accrocher à l'espoir d'innocence de ce même homme. Mais les choses avaient pris une toute autre tournure. L'histoire racontée par l'avocat de M. Smethick avait toutes les apparences de la vérité. Le caractère de Margaret Seeley, son insensibilité le jour même où son défunt fiancé se trouvait sur le banc des accusés, le transfert rapide de son affection sur l'homme plus riche, tout cela rendait extrêmement plausible le récit des événements de la nuit de Noël tel qu'il avait été fait par M. Gresson. Il n'était pas étonnant que ma chère Lady fût plongée dans ses pensées. « Je vais devoir reprendre le fil de l'histoire depuis le début, Mary, » me dit-elle le lendemain matin, lorsqu'après le petit déjeuner, elle apparut dans son manteau et sa jupe soignée, avec son chapeau et ses gants, prête à sortir. « Alors, dans l'ensemble, je pense que je commencerai par une visite au Haggett. » « Je peux venir avec toi, je suppose, » suggérai-je docilement. « Oh oui, » répondit-elle négligemment. Je me doutais bien que cette insouciance n'était qu'apparente. Il était peu probable qu'elle, ma douce, féminine, ultra-féminine, belle lady, soit insensible à ce sujet passionnant. Nous avons roulé jusqu'à Bishopthorpe. Il faisait un froid glacial, cru, humide et brumeux. Le chauffeur eut quelques difficultés à trouver le cottage, la maison du jardinier imbécile et de sa femme. L'endroit n'avait pas vraiment l'air d'une maison. Lorsque, après avoir longuement frappé à la porte, Madame Haggett finit par l'ouvrir, nous vîmes devant nous l'un des endroits les plus misérables et les plus malfamés que j'ai jamais vus, je crois. En réponse à la demande un peu sèche de Lady Molly, la femme dit que Haggett était au lit, souffrant d'une de ses crises. « C'est bien dommage, dit ma chère Lady, assez peu sympathique, je crois, car il faut que je lui parle tout de suite. »« De quoi s'agit-il ? » demanda la femme d'un air maussade. « Je peux prendre un message. » « J'ai bien peur que non, » répondit ma Lady. « On m'a demandé de voir Haggett en personne. » « Qui ça? J'aimerais bien le savoir !» rétorqua-t-elle presque insolemment. « Je n'en doute pas, mais vous perdez un temps précieux. Ne devriez-vous pas aider votre mari à s'habiller? Cette dame et moi attendrons dans le salon. » Après quelques hésitations, la femme finit par obtempérer, tout en affichant une mine boudeuse. Nous entrâmes dans la petite pièce miteuse où l'on pouvait voir non seulement la misère, mais aussi le désordre et la saleté. Nous nous assîmes sur 2 des chaises les plus propres et attendîmes pendant qu'un colloque à voix basse se déroulait dans la pièce au-dessus de nos têtes. Ce colloque, je dois le dire, semblait consister en chuchotements agités d'un côté et en plaintes gémissantes de l'autre. Après quelques bruits sourds et beaucoup de remue-ménage, Haggett, l'air peu soigné, sale et négligé, entra dans le salon suivi de sa femme. Il s'avança, traînant ses pieds mal chaussés et tirant nerveusement sur sa mèche. « Je suis heureuse de vous voir, Agathe, bien que je craigne de n'avoir pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. »« Oui, mademoiselle, » murmura l'homme qui ne comprenait visiblement pas très bien ce qu'on lui disait. « Je représente les autorités de l'hospice, » continua Lady Molly, « et j'ai pensé que nous pourrions nous arranger pour que vous et votre femme veniez à l'union ce soir peut-être. »« L'union ?» s'interposa brutalement la femme. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous n'allons pas à l'union !»« Eh bien, mais puisque vous ne restez pas ici, » répliqua Milady, « il vous sera impossible de trouver une autre situation pour votre mari dans son état mental actuel. »« Mademoiselle Célie ne vous donnera pas le feu vert !» répliqua-t-elle d'un ton de défi. Elle pourrait vouloir réaliser les intentions de son défunt père, dit Lady Molly avec une apparente insouciance. Le major était une brute, cruelle et acariâtre, s'écria la femme avec une violence non préméditée. Agathe l'a servi fidèlement pendant 12 ans et... Elle s'arrêta brusquement et jeta un de ses regards rapides et furtifs sur Lady Molly. Son silence était devenu aussi significatif que son accès de rage, et c'est Lady Molly qui conclut la phrase à sa place. « Et pourtant, il a renvoyé sans préavis, » dit-elle calmement. « Qui vous a dit cela ?» rétorqua la femme. « Les mêmes personnes, sans doute, qui déclarent que vous et Agathe en vouliez au major pour ce renvoi. »« C'est un mensonge !» affirma Madame Agathe avec acharnement. « Nous avons dit que M. Smithick avait tué le major parce que... »« Ah !» interrompit rapidement Lady Molly. « Mais alors, M. Smithick n'a pas tué le major Seeley et votre information était donc inutile. »« Alors, qui a tué le major? Je voudrais savoir !» Ses manières étaient arrogantes, grossières et extrêmement désagréables. Je me demandais pourquoi ma chère Lady la supportait et ce qui se passait dans son cerveau. Elle avait l'air très aimable et souriant, tandis que je ne comprenais pas ce qu'elle pouvait bien vouloir dire avec cette histoire d'hospice et de renvoi de Agathe. « Ah, c'est ce qu'aucun de nous ne sait, » dit-elle à présent avec légèreté. « Certains disent que c'était votre mari. »« Ils mentent !» rétorqua-t-elle rapidement, tandis que l'imbécile, ne comprenant manifestement pas le sens de la conversation, caressait machinalement sa tignasse rousse en regardant autour de lui d'un air désemparé. Il était chez lui avant que les cris ne soient entendus dans la maison, continua Madame Agathe. Comment le savez-vous? Demanda rapidement Lady Molly. Comment je le sais? Oui. Vous n'avez pas pu entendre les cris depuis ce cottage qui se trouve à plus d'un demi-mile de la maison. Il était chez lui, je l'ai dit, répéta-t-elle avec une obstination tenace. Vous l'avez envoyé? Il ne l'a pas fait. Personne ne vous croira, surtout quand on trouvera le couteau. Quel couteau? Le couteau avec lequel il a tué le major Seeley, dit Lady Molly calmement. « Voyez, il l'a dans sa main maintenant. » Et d'un geste soudain, tout à fait inattendu, elle désigna l'imbécile qui, sans but précis, avait rôdé autour de la pièce pendant que se déroulait ce rapide colloque. Le sens de tout cela avait dû, d'une manière ou d'une autre, trouver un écho dans son cerveau affaibli. Il s'approcha de la commode où se trouvaient les restes du petit déjeuner de ce matin, ainsi que de la vaisselle et des ustensiles. De la même manière maladroite et irresponsable, il avait pris l'un des couteaux et le tendait maintenant vers sa femme, tandis qu'une expression de peur se répandait sur son visage. « Je ne peux pas le faire, Annie, je ne peux pas, tu ferais mieux de le faire, toi, » dit-il. Il y eut un silence de mort dans la petite pièce. La femme Agathe est restée comme figée. Ignorante et superstitieuse comme elle l'était, je suppose que la situation avait eu raison de ses nerfs et qu'elle avait senti que le doigt d'un destin implacable était pointé sur elle en ce moment même. L'imbécile avançait en traînant les pieds, de plus en plus près de sa femme, tendant toujours le couteau vers elle et murmurant à voix basse « Je ne peux pas le faire. Tu ferais mieux, Annie, tu ferais mieux. » Il était tout près d'elle maintenant, et tout à coup, sa rigidité et sa tension nerveuse cédèrent. Elle poussa un cri rauque, et, arrachant le couteau du pauvre malheureux, elle se précipita sur lui, prête à frapper. Lady Molly et moi étions toutes deux jeunes, actives et fortes, et ma chère Lady n'avait rien de la grande dame dégoûtée lorsqu'il fallait agir vite. Mais même alors, nous eûmes quelques difficultés à écarter Annie Haggett de son misérable mari. Aveuglée par la fureur, elle était prête à tuer l'homme qui l'avait trahi. Finalement, nous réussîmes à lui arracher le couteau. Vous pouvez être sûr qu'il nous a fallu du courage, après cela, pour nous asseoir tranquillement et rester dans la même pièce que cette femme qui avait déjà un crime sur la conscience et que cette créature bizarre, à moitié idiote, qui ne cessait de murmurer pitoyablement « Tu ferais mieux de le faire, Annie !» Vous avez lu le récit de l'affaire, vous savez donc ce qui s'ensuivit. Lady Molly ne quitta pas cette pièce avant d'avoir obtenu les aveux complets de la femme. Tout ce qu'elle fit pour sa propre protection, ce fut de m'ordonner d'ouvrir la fenêtre et de souffler dans le sifflet de la police qu'elle m'avait remis. Le poste de police n'était heureusement pas très loin et le son portait dans l'air glacial. Elle m'avoua par la suite qu'elle avait peut-être été stupide de ne pas emmener Etty ou d'Anvers avec elle, mais qu'elle tenait absolument à ne pas mettre la femme sur le qui-vive dès le début, d'où ses discours circonstanciés sur l'hospice et le renvoi probable de Haggett. Lady Molly, avec son intuition aiguë, avait toujours senti que la femme avait eu quelque rapport avec le crime. Mais comme il n'y avait pas de témoin du meurtre lui-même, et que toutes les preuves indirectes désignaient le jeune Smethick, il n'y avait qu'une seule chance de réussite, et c'était l'aveu du meurtrier lui-même. Si vous repensez à l'entrevue entre ma chère Lady et les Haggett en cette matinée mémorable, vous vous rendrez compte à quel point Lady Molly avait admirablement mené les choses jusqu'à ce dénouement étrange. Elle ne parlait à la femme qu'en présence de Haggett, et elle était sûre que, dès que le sujet du meurtre serait abordé, l'imbécile ferait ou dirait quelque chose qui révélerait la vérité. Mécaniquement, à la mention du nom du major Selley, il avait pris le couteau. Toute la scène revenait dans son esprit chancelant. Que le major l'ait sommairement congédié récemment était une de ces suppositions audacieuses que Lady Molly avait l'habitude de faire. Que Haggett ait été encouragé par sa femme et qu'il ait été trop terrifié pour passer à l'acte lui-même ne la surprenait pas et ne me surprenait guère, tandis que le fait que cette femme ait finalement exercé sa propre vengeance passionnée sur l'infortuné major n'avait rien d'étonnant, compte tenu de sa personnalité grossière et élémentaire. Abasourdi par la rapidité des événements et par l'apparition de Danvers et d'Etty sur les lieux, elle finit par faire des aveux complets. Elle avait été rendue folle par la brutalité du major, qui, avec des mots rudes et cruels, avait soudainement laissé son mari à la dérive, refusant de lui donner un autre emploi. Elle avait elle-même une grande emprise sur l'imbécile et l'avait habitué à la haine et à la vengeance. Au début, il avait semblé prêt à obéir. Il avait été convenu qu'il monterait la garde sur la terrasse tous les soirs jusqu'à ce qu'une alerte à la reprise des attaques contre le bétail attire le major seul dehors. C'est ce qui se produisit le matin de Noël, mais pas avant que Haggett, effrayé et pusillanime, ne se soit enfui plutôt que d'accomplir l'acte infâme. Mais Annie Haggett, devinant peut-être qu'il reculerait devant le crime au dernier moment, avait également veillé toutes les nuits. Imaginez le meurtrier en puissance qui regarde et qui est regardé. » Lorsque Agathe croisa sa femme, il la chargea de commettre l'acte elle-même. Je suppose que c'est la peur d'être découverte ou simplement le désir de la récompense promise qui poussa la femme à faire porter le chapeau à un autre. La découverte de la bague par Agathe fut le déclencheur de cette pensée cruelle qui, sans les merveilleux pouvoirs de ma chère Lady, aurait envoyé un jeune homme courageux à la potence. « Ah, vous voulez savoir si Margaret Seeley est mariée ?»« Non !» s'écria le capitaine Glynne. Je ne saurais dire quels soupçons lui ont traversé l'esprit, mais il n'a jamais demandé Margaret en mariage, et maintenant elle est en Australie, chez une tante, je crois, et elle a vendu Clever Hall.